Il a écrit une lettre au premier ministre, une lettre ouverte qui a été reprise dans les différents médias et également ben, a été partagée pas mal par pas mal de gens sur les médias sociaux. C'est Elliott Beaulieu qui écrit une lettre à François Legault pour expliquer un peu son désarroi face à ce qui se passe actuellement face à la COVID, les zones rouges, les jeunes qui sont interdits de faire du sport. Et question un peu de savoir comment qu'est-ce qui l'a motivé. On lui parle. Salut Elliott! Salut. Elliot, qu'est-ce qui t'a motivé à écrire cette lettre-là? Ben, en fait, honnêtement, c'était pour vraiment pour faire réaliser à tous les jeunes, ben, à ce que vivent les jeunes dans le Québec. Puis, très honnêtement, c'est quelque chose qui était vraiment important pour moi que je le dise. Il n'y a pas beaucoup de jeunes au Québec qui vont le faire justement parce qu'ils ont peur des réactions. Moi, j'y suis allé, puis j'ai foncé justement pour pouvoir faire réaliser à M. Legault que c'est vraiment un sujet important, puis que ça devrait vraiment être le sujet numéro un qu'on devrait se préoccuper. Ben, c'est sûr, c'est l'avenir de notre province, c'est l'avenir, et ainsi de suite. Quand tu dis, nous avons besoin d'aide, nous avons besoin d'un soutien moral, d'un soutien psychologique, de nos sports, nos midis, nos cours d'éducation physique, je te dirais même nos amis, parce que tu me corrigeras si je me trompe, vous êtes comme interdit de voir certaines amies si vous n'êtes pas dans la même bulle, c'est ça? Oui, c'est vrai, c'est sûr, c'est vraiment un gros point aussi. On peut pas prendre nos amis, mais c'était au moins on peut quand même les voir pareil avec nos masques, mais c'est plus différent, c'est moins un contact social qui est vrai en tant que tel. Mais oui, vraiment. Ok. Est-ce que tu as parlé, quand tu dis on a besoin de soutien psychologique de nos sports, est-ce que ça représente ton idée ou c'est vraiment l'idée de l'ensemble des jeunes puis tu en as parlé à beaucoup de jeunes? Ben écoutez, moi j'en ai parlé à beaucoup de mes amis, à beaucoup de jeunes à mon école. Évidemment, le sport, c'était vraiment quelque chose qui était très important pour chacun, parce que c'est quelque chose qui permettait de faire briller les gens qui avaient souvent des problèmes académiques, puis avec un déficit d'attention, des difficultés d'apprentissage. Justement, ça, c'est ce qui faisait que la motivation était là, puis qu'il n'y avait pas de décrochage scolaire. Puis juste le fait que justement là, il n'y a plus de sport, il n'y a plus de tout ça. Ça vient changer les choses, ça vient corser les choses pour justement les élèves avec des difficultés d'apprentissage et des difficultés d'attention comme moi. Puis c'est vraiment quelque chose d'important que je trouve qu'on devrait souligner par rapport à ça. Ok, le sport t'a amené quoi? Est-ce que sans le sport, tu serais quoi? Le sport, honnêtement, il m'amène à motiver. C'est quelque chose qui motivait dans ma journée. Donc, moi, je commençais dans la journée, je me disais, OK, je vais finir ma journée, je vais réussir mes affaires, puis là, à la fin, je vais pouvoir être récompensé à pouvoir faire du sport, à pouvoir faire ce que j'aime, dans le fond, ce qui me permet justement d'avoir une motivation d'aller à l'école, parce que, très honnêtement, ma motivation a beaucoup baissé depuis qu'on n'a plus de sport, parce que c'est quelque chose qui me permettait justement de me libérer l'esprit, d'accentuer ma persévérance scolaire, puis c'était vraiment quelque chose d'important pour moi. Ok, puis ce que tu dis dans la lettre, c'est que tu es un élève quand même modèle, tu as gagné quand même plusieurs prix d'excellence, donc t'es pas un jeune là, qui arrive puis qui est pas sérieux, t'es un jeune en pleine, qui est vraiment, qui vraiment focus sur l'école, puis tu dis ma motivation a baissé. Imagine celui-là, donc le jeune qui lui. Est moins motivé par l'école, était déjà moins motivé par l'école, comment qu'il l'est actuellement? Très honnêtement, je vous dirais que c'est difficile pour lui parce que, dans le fond, en plus de ne pas avoir de sport, pas pouvoir voir autant ses amis normalement, c'est tellement vraiment difficile. Puis j'en ai beaucoup dans ma classe qui, justement, vit ça. Puis moi-même, je vis ça, puis c'est vraiment très difficile. Très honnêtement, je l'ai écrit dans ma lettre, j'ai beaucoup pensé, je me suis vraiment beaucoup dit, est-ce que je vais lâcher l'école parce que ma motivation est plus là? Ma persévérance est moins là comme avant. Mon double d'effort, faut que ça soit 5 fois plus que de toutes les années que j'ai faites. Puis Très pour honnêtement, aller, ben, je trouve ça j'imagine, vraiment moi je difficile. parle à beaucoup de jeunes, puis les jeunes, ben, beaucoup, faut s'entendre, là. Mais les jeunes à qui j'ai Oui. parlé, les cours en ligne, c'est pas terrible. C'est beaucoup de jeunes, je pense, de tous les jeunes que j'en ai parlé, il y en a juste deux, trois qui trouvent que c'est de l'allure, là. Le reste, ils aiment pas ça. Ben, dans le fond, les cours en ligne, je peux vous dire ça très franchement, c'est pas la plus belle affaire parce que on a toutes les distractions qu'on a normalement quand on ne fait pas l'école. Quand on n'a pas, justement, on n'a pas notre cellulaire à l'école, on est encadré à l'école, tu sais, on n'a pas aucune distraction. Là, quand on fait des cours en ligne, on a des distractions, on a plein d'affaires, puis on veut tout sauf faire de l'école, justement. Puis ça, c'est ce qui, justement, rend les choses utiles. C'est aussi le contact social avec le professeur, par exemple. Moi, j'aime ça avoir beaucoup d'aide, mais c'est de l'aide vraie, pas de l'aide virtuelle. Puis ça, ben, ça vient me chercher, puis j'aime pas ça, je trouve ça pas amusant pour moi, puis ça doit être aussi la même chose pour plusieurs des élèves. OK. Si on parlait un peu, tu t'attends à quoi maintenant? Maintenant, je m'attends vraiment à un changement. Puis tu sais, c'est pas juste autant les élèves, c'est autant aussi les professeurs. Parce que les OK. professeurs aussi, ils en vivent du stress. On n'est pas les seuls, justement, à vivre du stress, les élèves, mais aussi les professeurs qui trouvent ça difficile. Puis justement, ben, moi, je m'attends qu'il y ait juste un petit changement, un petit quelque chose qui va venir justement remettre la motivation aux élèves, puis qui va pouvoir, genre, leur dire oui, on va rester dans l'année scolaire, puis on va avoir notre motivation qu'on avait avant. OK. Mais s'il arrive à quoi? Est-ce que tu penses que François Legault va réagir à ton cri du cœur? Mais très honnêtement, j'aimerais ça qu'ils réagissent parce que je pense que c'est quelque chose qui commence à être vraiment important. Puis c'est un sujet. Écoutez, c'est l'avenir de demain. On est un grand nombre de finissants qui sont démotivés, qui Ouais, sont c'est sûr. en ce moment, genre, sur le bord de chavirer. Puis, justement, moi, je pense que faudrait que ça change, justement, parce que on est l'avenir. Puis si on commence à. On trouve ça difficile aussi en ce moment, sur l'enfant, que ces jeunes vont ridicule pour nous. Ça va être Ben compliqué, ça va pas être une belle place ici. c'est de 30 à, on parle de 30 à 50% déjà de décrochage scolaire actuellement à l'école. Donc, ça va être difficile de voir ça, là. Oui, vraiment. Est-ce que tu as l'impression, Yot, que les. Parce que moi, écoute, je suis beaucoup le COVID, là. Les jeunes, vous êtes zéro à risque. Zéro, zéro, zéro à risque. Écoute, là, moi j'ai ma philosophie qu'on laisse les jeunes en paix, qu'on leur laisse vivre leur vie. Parce que ça les touche pas. Est-ce que tu as l'impression que c'est plus politique que sanitaire? Très honnêtement, mon avis là-dessus, je sais pas si vraiment j'ai un gros avis là-dessus parce que je pense que évidemment, les mesures de sécurité sont là pour une raison. T'sais, on aimerait ça que, ben, tu sais, mettons par exemple le rassemblement de Noël, évidemment, ça a été un scandale pour tout le monde. Il y a beaucoup de gens qui ont réagi à ça, puis tu sais, c'est quelque chose qui va être plate, mais si on veut passer à travers ça, il va falloir faire excusez-moi, je cherche mes mots. Il va falloir qu'on fasse passer des choses. Évidemment, Noël, c'est moyen, c'est plate, mais on peut pas rien y faire. Mais ce qu'on peut faire, c'est faire des changements. Puis, comme je l'ai fait, comme je demande, j'aimerais ça qu'il y ait un changement dans le milieu de vie scolaire qui était très important S'il pour n'y en moi. a pas, t'as-tu l'intention de faire de quoi? S'il n'y en a pas, je vais persévérer comme j'ai toujours fait. Puis je vais persévérer à pouvoir qu'il y en ait des changements, puis qu'on va aussi savoir quelque chose. Parce que, évidemment, c'est sûr que c'est pas juste un élève qui va changer tout. Mais s'il y a plusieurs élèves qui commencent à pouvoir, dans le fond, exprimer ce que, mettons, moi, j'ai exprimé dans ma lettre, il va peut-être avoir un changement. Puis M. Legault va peut-être voir, OK, oui, là, on a quelque chose qui est vraiment sérieux, qui est quelque chose d'important. Je dis pas que ma lettre est pas sérieuse, c'est juste parce que je parle au nom de plusieurs élèves, puis c'est pas juste un élève en tant que tel, c'est pas juste moi, c'est plusieurs élèves qui vivent la même situation, qui ont les mêmes, justement, problèmes académiques. Effectivement. Ben, Lyotte, on va te souhaiter la meilleure des chances. Très, très bon geste que tu as fait. Évidemment, c'est là qu'on voit que le sport, quand même, est important à la vie. Quel sport tu pratiques, en fait? Je pratique le basketball. Ok, tu pratiques le basketball. Ok, donc, c'est. Puis, t'es-tu bon? T'es-tu un joueur qui se démarque bien? Oui, quand Oui, même. c'est vrai. Ok. Ben, Lyotte, joyeux Noël, bonne année. On espère, évidemment, que cette situation-là va se raplomber. Et au plaisir de se parler. Merci beaucoup. Elliott Beaulieu qui a écrit une lettre dans le journal Le Nouvelliste, qui est repris dans la plupart des médias sur. Il demande à François Legault de penser aux jeunes et de ramener le sport à l'école.